Un invité unique, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste, une émission de radio proposée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée par Thomas Delafosse. Et ce soir, je reçois... Laurent Paris. Bonjour Laurent Paris. Bonjour. Batteur, percussionniste, bidouilleur de son, toujours à la recherche de nouvelles façons de marquer le temps. Vous êtes né à Bordeaux en 1965 et depuis une trentaine d'années, vous multipliez les rencontres, les projets, les groupes. Activités multiples et variées, d'où émerge une volonté et un désir permanent de liberté. De Facteurs Sauvages, un trio rock pas comme les autres, au quartet slow dont nous venons d'écouter Ama Lour Gaïchoa, un quartet de jazz slow étrangement passé sous les radars des programmateurs toulousains, allez savoir pourquoi. En passant par Piscine Olympique, le duo de musique improvisée que vous formez avec le claviériste Xavier Camaraza, ou le duo Agafia, cette fois monté avec le saxophoniste Marc Mafiolo, et lui aussi consacré à de la musique improvisée, vous affirmez un jeu inventif, simple, d'une vivacité aérienne, mais aussi d'une fureur câline. Vous aimez les contrastes, Laurent Paris, les pieds de nez. L'entre-deux n'est manifestement pas votre tasse de thé. Et quelles que soient les musiques ou les styles que vous abordez, votre engagement y est toujours total. Chanson dans le quartet de Humbert Humbert ou avec Marie Cigale, flamenco avec Vicente Prada, le Benoît Mardon ou la chanca de Juan Martis, jazz dans les formations de Daniel Ivinec ou de Guillaume Dechassis, fusion avec les Bordelais de Post-Image. On vous a vu également accompagner le chant de Nadine Rosello, joué avec les Corses de Imouvrini, avec Laurent Rochelle, avec la compagnie Vieux Sens, avec Guillaume Baraban, avec l'Anachronique Electro Orchestra, avec le guitariste Laurent Gilly, le temps de son album Solé Azul. Membre du collectif Freddy Moraison, vous avez également, Laurent Paris, croisé vos baguettes avec Jean-Luc Capozzo, Jean-Paul Raffi, Jean-Marc Padovani, Olivier Sens, Eugène Chadbourne, Benat Achari, mais aussi Marc Demereau, également avec le comédien Denis Lavang et le saxophoniste Camille Chachepé, le temps d'un triptyque consacré à la poésie anglaise du 19e. Vous avez également joué dans le film des frères Larieux, 21 nuits avec Patty, monté un ciné-concert avec Bruno Izarne, revisité les musiques traditionnelles occitanes avec le saxophoniste Florian Nastor, le claviériste Bastien Andrieux et le joueur de vielle à roue Bastien Fontanil, au sein du groupe Pialuste, et où accompagné les délires circassiennes du cirque Arcaos. Ces derniers temps, on vous voit beaucoup jouer en duo avec la pianiste Betty Ovette, le temps de set délicat et largement improvisé. Vous serez d'ailleurs avec ce dernier duo, Cyrus Vircule, le 17 octobre prochain au SIAM La Fabrique à l'université Jean Jaurès pour l'inauguration du premier GR de randonnée universitaire au monde. Et entre tout cela, vous avez encore le temps de vous adonner à la sculpture et l'on me dit que vous restez à la pétanque un tireur redoutable. Merci en tout cas d'avoir trouvé un petit moment pour participer à cette émission. Et si vous n'avez rien à rajouter à ce succinct portrait, nous allons parcourir ensemble cette liste de 10 morceaux que vous nous amenez. Alors, quelque chose à rajouter ou on attaque tout de suite? Non, c'est parfait, c'est super. Eh bien, très bien. Premier morceau donc de cette liste concoctée ce soir par Laurent Paris, batteur percussionniste émérite. Cette liste, Laurent Paris, commence par ce morceau, Messe pour le temps présent de Pierre Henry, morceau chorégraphié dans les années 60 par Béjart pour son corps de ballet. Pourquoi ce morceau en début de liste? Il y avait très peu de disques chez moi, dans la maison, il n'y a pas de musicien dans la famille. Et il y avait ce disque, voilà, dans la petite dizaine de disques qui traînaient dans le salon. Il y avait celui-là, je ne sais pas trop pourquoi. J'imagine que mes parents avaient dû peut-être aller voir le ballet de Béjart et qu'ils avaient acheté le disque à la sortie. Moi, j'ai adoré ce disque. Je ne connaissais rien à la musique, je n'écoutais pas de musique. J'ai souvenir que ce disque, et ce morceau en particulier, j'adorais ça. J'ai trippé. Là, à la maison, il y avait... Voilà, il y avait deux disques de Jean Ferrat, un disque des Jourjoura, des chanteuses algériennes. Jourjoura. Un groupe voilà, de quatre chanteuses de Kabylie. Voilà, il doit y avoir un truc de Moustaki, et puis ce disque-là de Pierre-Henri, qui était un peu un ovni au milieu des autres. La batterie très pop-rock, ces sons de cloche qui arrivent, et puis tout le matériel électronique. Ouais, ouais. J'y connaissais rien, mais en tout cas, le mix de tout ça me plaisait déjà. Et à cette époque-là, hormis les 10 disques qui traînaient dans le salon familial, vous écoutiez quoi ? Ben, j'écoutais pas de musique. Donc pas de musique ? Non, à l'âge de 10 ans, on a déménagé et je suis arrivé en ville à Bordeaux, à Mérignac même. J'habitais chez mes grands-parents. J'ai changé d'école. Et l'institut que j'avais là, il donnait des cours de solfège le mercredi après-midi. Mais il donnait des cours de solfège comme ça, sans instrument. C'était absolument théorique. Et du coup, moi, je me suis inscrit là. Je me faisais un peu chier, certainement, le mercredi. Et je trouvais ça, je trouvais ça pas mal. Ah ouais, vous n'avez pas été rebuté il donnait des cours de solfège. Et bon, donc du coup, après, l'année d'après, on a encore déménagé. Mes parents sont allés à une autre banlieue bordelaise, à Lormont. Et là, j'ai demandé, je dois avoir 10 ans, j'ai demandé à m'inscrire à l'école de musique, sans trop savoir ce que c'était. Voilà, j'ai fait une année de flûte à bec, parce que moi, je voulais faire de la batterie déjà. Ma mère disait que ça faisait trop de bruit. Donc, ils m'ont inscrit en flûte à bec. Et puis, j'ai fait un an de flûte à bec. Et à la fin de l'année, j'ai dit, bon, je fais de la batterie ou j'arrête. Mais la flûte à bec, c'est pas mon truc. Et donc, ils m'ont inscrit en classe de percussion. Ah. Voilà. Pourquoi la batterie ? Je sais pas du tout. Alors là, je n'en sais rien. J'avais une petite guitare qu'on avait ramenée d'Espagne. Uh-huh. Une petite guitare de trucs de touriste. Hein. Ouais. Et j'ai le souvenir que cette guitare, je la mettais à l'envers et prapra, je faisais du tambour dessus. Un caron, voilà, avant qu'ils arrivent. Je faisais du caron sur la guitare. J'ai jamais touché une seule corde. Et puis voilà. Au moins taper sur la caisse, ça faisait résonner les cordes. Ah ouais, mais ça sonnait en plus, ça sonne très très bien. Allez, deuxième morceau de votre liste, Laurent Paris. Pour le coup, les percussions, on y est en plein avec ce carnaval de Santana. Oui. Morceau un peu atypique dans la discographie de Santana, puisque c'est un des rares morceaux de Santana où on n'entend pas une note de guitare. on n'entend que des percussions. Santana, c'est quelqu'un d'important ? Non, c'est pas quelqu'un d'important, Santana. C'est juste que ce disque-là, c'est le premier disque que j'ai acheté de ma vie. Ah oui. Voilà. Et je l'ai encore à la maison. Et donc je l'ai beaucoup écouté, voilà, c'est tout. Mais après j'ai pas suivi plus que ça la carrière de Santana. Mais bon voilà, ça a forcément marqué quelque chose puisque c'est le premier disque que j'ai acheté, sans trop savoir ce que j'allais acheter d'ailleurs, je me rappelle. J'étais allé acheter un disque un peu pour faire comme tous les copains. Et puis, je suis tombé sur celui-là. Et puis, c'était pas mal, finalement. Ah, l'apprentissage des percussions, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez commencé vers l'âge de 10-11 ans, après avoir subi une année terrible de flûte à bec. Je suppose que c'était les flûtes à bec en plastique Yamaha. Non, elle était en bois, la mienne. Ah, elle était en bois. Ah, ouais. Non, elle était en bois. L'apprentissage des percussions ? Eh bien, en fait, j'ai classique. Ouais, c'est l'école de musique de mon quartier. Donc, avec là aussi des partitions. Oui, vraiment classique. caisse claire, xylophone, timbale. Ah. Et ça, pendant quelques années, pendant 4 ans. Après, le prof s'est barré. J'aimais bien ce gars, je m'entendais bien avec lui. Puis ça a changé de prof. Et puis l'autre, j'ai arrêté. Ah ouais, c'était... L'autre, ça passait pas. Bon, c'était l'adolescence aussi. Ah. Donc, j'avais une batterie, je faisais de la batterie chez moi, un peu tout seul. Après, j'ai pris des cours de batterie à droite, à gauche, quoi, de manière un peu plus chaotique. Ah. Donc, je me suis fait mon petit truc tout seul, quoi. Ouais. J'ai jamais pris de cours de percussion. Mm. Et donc, ça m'a intéressé rapidement. Et puis, j'avais déjà une bonne technique de batterie. Mm. Donc, pour jouer avec d'autres percussionnistes, j'avais des facilités, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, ça m'a permis de jouer rapidement avec des gens parce que j'avais déjà un bagage technique. Les premiers groupes dans lesquels j'ai joué, c'était vraiment des groupes de percussion, notamment percussion africaine. Bon, avant, j'avais fait des trucs de bal avec des groupes de... une comédie musicale avec la troupe de théâtre de mon quartier, tout ça, tu vois. C'était sympa, hein, des souvenirs incroyables de tourner dans un camion de poissonnier et tout ça. C'était pas mal quand même. Et au niveau écoute musicale, pendant ces années d'apprentissage de la batterie et des percussions, vous étiez plutôt branché quoi ? Ado, moi j'étais branché très rock. Ouais. Enfin, c'est après, à partir du lycée même, que j'ai commencé à m'intéresser aux percussions, mais tard quoi, 18, 19, 20 ans, pas avant. Jusque-là, c'était la batterie. Je faisais que de la batterie. Ouais. Et quand je me suis mis aux percussions, en fait, rapidement, j'ai eu des propositions pour jouer quoi, en groupe, plus sérieuse. Quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai mis la batterie de côté pendant quasiment 20 ans. Et ouais. Et je me suis retrouvé à jouer pendant 15-20 ans. Je n'ai pas touché la batterie, je faisais que des percussions. Et c'est vrai que personnellement, une des premières fois que je vous ai vu jouer de la batterie, c'est avec Facteur Sauvage, le trio, ouais. Le trio avec Mathieu Sourisseau, ouais. et Daniel Scaliette. Voilà. C'est quasiment le premier groupe où personnellement, ouais. je vous ai vu jouer oui, de parce la batterie. Parce que j'ai mis ça de côté pendant une vingtaine d'années. Quoi. Ouais. Et après, j'y suis revenu petit à petit. J'ai eu envie de réintégrer des éléments de batterie dans mon set de percussion. Et puis finalement, après, la machine s'est inversée. Et puis maintenant, je m'en fous complètement. Batterie, percussion, c'est la même chose. Techniquement, c'est différent. Il y a un bagage technique qui est différent sur la batterie. Et inversement, hein, il y a tout un jeu digital sur les percussions qui n'existe pas trop sur la batterie. Donc, en fait, je me suis nourri de tout ça et maintenant, je m'amuse avec tout ça sans me poser une question. Si je suis plutôt batteur ou percussionniste, ça m'est égal. Il y a 3 minutes que, adolescent, vous écoutiez surtout du rock. Ouais. Et donc, je suppose que vous écoutiez beaucoup ACDC, que l'on est en train d'écouter. Voilà, alors ACDC, c'est carrément le groupe, le premier groupe dont j'étais fan, quoi. Ah. Bon, c'était un truc d'ado, hein. J'étais au collège et puis j'avais un copain qui écoutait ça. Et j'allais chez lui, j'écoutais ça et c'était le truc. J'avais une veste avec ACDC dans le dos et tout, quoi. Et c'est le premier groupe que je suis allé voir en concert. Mmh. Voilà, donc ça marque vraiment une étape, quoi. Ouais, ouais. Musicalement, ça n'a pas marqué plus que ça mon parcours, mais disons que émotionnellement et au niveau de mon intérêt pour la musique, ça, c'est une étape. Quoi. Cette époque-là, c'est l'époque aussi des groupes que vous montez avec des copains ou pas du tout ? Alors, des groupes, c'est l'époque où je suis au collège, en fait. Et un jour, dans la cour du collège, il y a un gars qui vient me voir, qui me fait « Tu joues de la batterie, toi ?» J'ai fait « Ouais, ouais, ouais. » Il me fait « Samedi, on répète. » J'ai dit « Bon, d'accord, ok. » Et donc, je suis allé le samedi suivant, et c'est un mec qui avait un groupe de rock, mais avait des gens beaucoup plus âgés que nous. Moi, j'étais au collège, en quatrième ou comme ça, tu vois. 15 ans, 14, 15 voilà, ans. Et les autres, ils avaient 20, 25 piges. Et il y avait un mec dans ce groupe-là. Enfin, ça n'a jamais été un groupe, en fait. On était deux, quoi. On était deux. Moi, je jouais de la batterie. Et puis, il y avait un mec qui a été un peu... qui m'a appris plein... fait découvrir plein de choses, qui était un guitariste qui s'appelait Carlos. Et s'il m'entend, je lui fais des gros bisous, je le remercie. Et lui, si tu veux, c'est un mec, il travaillait à l'usine. Et il devait avoir 20, 25 berges. Et il travaillait à l'usine. Et le week-end, il sortait sa Gibson et il jouait... C'était son espace de liberté, quoi. Et donc, lui m'a fait découvrir Rory Gallagher, il m'a fait découvrir Zappa, il m'a fait découvrir tout le blues, tu vois, les Johnny Winter, tous les... Les Stevie Ray. Et moi, je lui disais, putain, c'est super, AC/DC. Il me disait, arrête, c'est de la merde. Il me disait, écoute, Zappa. Et donc, on n'avait pas de groupe, vraiment. On jouait tous les deux. Et il tripait, il m'amenait partout. Ah ouais. Et c'est, il y a quand même des fois où vous produisiez sur scène ou pas du tout. Mais non, c'était on jouait pour des ça soirées. Ça restait un groupe de garage dans le garage. C'était un groupe de garage. On a dû essayer 7 ou 8 chanteurs à chaque fois, des mecs. Pareil, c'était des loulous, hein, tu vois, c'était des ozos, des mecs, des dockers tatoués de partout qui débarquaient. Moi, j'étais là. Et des fois, on jouait dans des soirées, c'était des espèces de boom de banlieue, tu vois. Mais une fois, je me rappelle, ça avait mal tourné, il y avait une bagarre générale. J'étais obligé de partir en courant, trouver une cabine téléphonique, appeler mon père, qui vient me chercher vite fait en bagnole. Et putain, il y avait des. Comment ça se bagarrait, des bandes, tu sais, les bandes de mobilettes à l'époque. Tu vois. Et on a chargé la bagnole et je me suis cassé en courant, tu vois. C'était un peu l'ambiance, c'était vraiment rock'n'roll. C'est vrai que. Mais bon, c'était l'époque. C'était comme ça. Ouais. Quatrième morceau de votre liste, Laurent Paris. Ceux-là, ils arrivent comment dans votre découverte musicale ? Et bien, c'est toujours pareil, c'est des copains, des nouveaux copains. Je suis au lycée, là. Là, je suis au lycée, donc je change un petit peu de... D'ambiance. Je change d'ambiance. De copains, de milieu. Je change de copains, je change de milieu. Et voilà, je tombe sur des gars qui me font découvrir ça. Et là, c'est un bon choc aussi, King Crimson. Alors là, j'ai passé quelques soirées allongées dans l'herbe à écouter ça, avec les portières de la voiture ouvertes. Et voilà, il y avait un copain qui avait le permis, et donc... Ouais. C'était le début un peu aussi de... On mettait ça sur l'autoradio à cassette. Ah oui, oui, puis on écoutait ça, puis après les... voilà, c'était une époque, toute la... Led Zepp, enfin tout ça. Ouais, tout. Ouais, c'est pas trop sur la période progressive rock anglaise de ces années Kim Crimson. Pas trop. Pas trop. On a découvert Gong aussi, on a trouvé des trucs. Mais tu vois, on n'était pas très branché Magma, tous ces trucs-là, on n'était pas trop là-dedans. Ah ouais. Moi, je suis allé écouter Van Der, mais beaucoup plus tard. Et c'était... Non, on était plus... je me rappelle des groupes comme ça, Peter Hamill, tu vois, les Van der Graaf Generator, et tous ces trucs-là, on écoutait... Voilà. Et King Crimson, c'était quand même le groupe phare, quoi. On suivait tout ce qui... Et moi, j'adorais le son. Voilà, le son du groupe était incroyable. C'est quoi que vous y trouviez de neuf par rapport à ce que vous aviez déjà écouté? La musique est hyper fraîche. Les compositions, le son, et puis les arrangements, tout ça. Là ça, il commence à y avoir des vrais arrangements. Le Bill Bruford à la batterie, bon, le son de Caisse Claire est unique. Ouais, j'aimais tout, j'aimais l'ensemble, quoi. C'était ça qui m'intéressait. Ça. Puis j'ouvrais un petit peu mes oreilles aussi à d'autres choses. Quoi. Mais Robert Fripp, c'est quand même un phénomène. Voilà, ça n'est pas qu'un guitariste. Non, ça n'est pas qu'un guitariste. Le jazz était commencé à arriver Ouais, ça j'ai... Voilà, c'est au lycée, j'ai découvert le jazz. Alors que j'y étais pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout... sensibilisé, j'en écoutais pas du tout, du tout. Et puis, un jour, un prof de batterie que j'avais eu, la veille, il était allé voir Miles Davis en concert, et il m'a dit, mais il faut que tu ailles voir ça. Il m'a dit, il faut que tu ailles. Donc j'ai acheté mon premier disque de Miles Davis. Et donc, vous achetez le premier Miles Davis. Cette version est tirée de l'album du retour de Miles Davis vers les années 79, après son gros problème physique. Il revient à la musique avec The Man with the Horn. Et puis, il y a cet album qui suit, We Want Miles, un album enregistré en public et qui se faisait l'écho de cette fameuse tournée dont vous venez de nous parler. Voilà. Et qui avait emballé votre prof de batterie. Philippe Valentini, qui s'appelait. Et là, quand vous écoutez Miles Davis... Ah ben là, c'est gros choc. Hein. Ah. Ah ouais, gros choc. Là, j'ai adoré de suite. Et après, je suis allé le voir en concert. J'ai fait du stop pour aller le voir à Saint-Sébastien, en Espagne. Et je l'ai revu plusieurs fois. Mais le We Want Miles, pour moi, ça a été un gros choc. Et puis, c'est une porte, en fait. C'est une porte qui s'ouvre pour tout ce que j'avais écouté avant. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose de nouveau, une porte qui s'ouvrait. Et j'ai eu envie de... Et à partir de là, j'ai commencé à écouter beaucoup de musiciens de jazz. Ouais, ouais. Vraiment, là, ça a été une porte ouverte sur plein de choses. Bon, ça prend du temps. Hein, c'est... Oui, Internet n'existait pas à l'époque. Il faut le rappeler quand même aux jeunes générations qui nous écoutent. On allait chez les disquaires, on discutait avec le gars. Et puis, c'était beaucoup... voilà, quand t'allais voir un concert. Ouais. Tu ouvrais les oreilles. Hein. Ouais. Et c'est vrai que cet album et ce style qu'on va appeler le jazz fusion, à partir de là, a essaimé. Je parlais dans le portrait qui a entamé cette émission de votre passage au sein de Post-Image, qui était un groupe de fusion qui, à un moment donné, a eu une petite gloire nationale. On a beaucoup entendu Post-Image dans les années 90. C'est votre intérêt pour ce style de musique qui vous a fait intégrer, par exemple, le groupe bordelais Post-Image. Moi, je suis bordelais, quoi, donc ouais. J'étais du coin. Après We Want Miles, de toute façon, c'était la fusion qui nous intéressait. Et puis moi, dans We Want Miles, j'ai, j'ai découvert vraiment la percussion. J'ai découvert Mino Sinelu et j'ai complètement trippé dessus. Mmh. Et à partir de là, je me suis mis aux percussions en autodidacte. Mmh. Et j'ai bossé le truc à fond comme un fou, quoi. J'ai acheté, je ne sais pas combien de disques où il y a Mino Sinelu dessus. Parce que j'adorais ça. Bon, maintenant, ce qu'il fait maintenant, c'est, je trouve ça assez catastrophique. Mmh. Mais à l'époque, voilà, ça m'a fait avancer dans ma pratique musicale. Mmh. Voilà, ce disque, c'est une grande porte qui s'ouvre sur un espace sonore et musical nouveau. Et je me suis engouffré dedans. Voilà. Et là, on reste avec les percussions d'un batteur énorme, Daniel Humer. Ouais. Quelqu'un que vous découvrez comment ? C'est un peu après le disque de Miles Davis. Quoi. Je me suis intéressé, j'ai cherché le jazz français, c'est quoi ? Et je suis tombé forcément sur Humer. À la fin, le dernier morceau du disque, c'est ça, c'est le gorille. Mmh. J'ai vraiment toujours adoré ce morceau parce que c'est des musiciens de jazz. Mais donc, pour moi, il y a François Janot au sax et Texier à la contrebasse. C'est du jazz, mais qui ouvre sur de la matière sonore. J'aime quand la musique elle va dans ce langage, quoi. Moi, ça me parle, quoi. On prend les instruments, on les détourne, on en fait quelque chose. On est en dehors de la partition, quoi. Mmh. Là, il y a quelque chose de plus. Et ça m'intéressait. J'ai beaucoup aimé ça. Mmh. Et voilà. Après, j'ai écouté d'autres choses. Donc, je suis allé vers le jazz un peu plus ouvert. Tu vois, j'étais pas branché bebop du tout. Mmh. J'en ai écouté, forcément, mais c'était pas ça. C'était pas cette fenêtre du jazz qui m'intéressait le plus, quoi. C'était plutôt la musique comme le gorille ou l'art ensemble. J'aimais bien Carl Hablé. J'étais au lycée, je sais plus comment, quelqu'un m'avait filé une cassette, je sais plus comment. Et je trouvais ça putain super, la musique, comment elle arrivait à faire sonner l'orchestre. Et quand je faisais écouter ça aux copains, putain, je faisais chier tout le monde. Quoi. Petit à petit, à ce moment-là, vous nous disiez la batterie, vous en jouiez à la maison et de temps en temps, vous preniez des cours aléatoires. Ça restait quand même un fait solitaire, la musique, où vous commenciez aussi à jouer avec des musiciens de jazz. Non, à partir du au lycée, à la fin du lycée, là, je commençais à jouer, ouais. Je jouais. Il y a plusieurs musiciens africains, guinéens, qui ont débarqué à Bordeaux. C'est des gars qui faisaient partie des ballets nationaux de Guinée. Et ils ont profité d'une tournée, parce que c'était quand même un pays très, très, très, très dur. Quoi. Ouais. Et ils ont profité d'une tournée mondiale, si tu veux, pour... Pour rester en France. Ils sont pas repartis. Ouais. Et donc, il y en a pas mal qui se sont installés à Bordeaux et Angoulême. Et donc, je sais plus, moi, je m'en suis retrouvé à les côtoyer. Il y en avait notamment un, le soliste du ballet national de Guinée, qui s'appelait Mohamed Bangoura. Qui s'est installé à Bordeaux et il cherchait il voulait monter son groupe, quoi. Et puis nous on était là et donc on jouait avec lui. Quand vous dites nous ? On était trois, il y avait moi et deux autres potes qui faisaient du djembé. Et du coup, comme moi, ce que je disais tout à l'heure, j'avais déjà une bonne technique de baguette. Du coup, je faisais tous les doum-doum, tous les accompagnements doum-doum. Donc ça, on a bien bossé la musique Afrique de l'Ouest. Et avec, on accompagnait beaucoup de cours de danse, tous les stages de danse. Ça, j'en ai bouffé de ça. Donc c'était un parcours. Puis ça a duré quelques années. Et puis au bout d'un moment, je me suis. C'est un peu comment dire ce qui s'est passé tout le long de ma vie. J'ai l'impression, c'est que dès que j'ai l'impression que je vais m'enfermer dans un truc, vite je m'en vais. Faut partir. Et, ouais. Et donc là, au bout d'un moment, je voyais tous les copains, tout le monde était vraiment à fond, le djembé, le machin, le truc. Et moi, j'aimais bien, mais c'était pas ma musique. Quelque part, j'étais là un peu en accompagnateur. Et au bout d'un moment, je suis parti ailleurs, quoi. J'ai laissé tomber et j'ai commencé un peu plus à chercher. Personnellement, des modes de jeu et d'autres choses qui m'intéressaient. Quoi. Et bien, j'étais toujours en train de chercher qu'est-ce que je peux faire avec un bidon, une lame de scie. Je récupérais des bouts de bois, des machins, des trucs. J'essayais toujours. Parce qu'à l'époque, rapidement après ça, à Bordeaux, avant d'intégrer Postimage, il y a des gars qui avaient monté un groupe de jazz rock qui s'appelait Black Market. Ça pouvait pas. Et ils cherchaient un percussionniste et ils m'ont embauché, quoi. Et c'était un groupe qui tournait déjà, ça, qui tournait pas mal. C'était un petit groupe local, quoi. Et rapidement, on est devenu le... Il y avait Postimage et Black Market, quoi. C'était les deux groupes de Bordeaux qui tournaient, quoi. Tu vois. Et donc là, vraiment, là, je me suis lancé. Là, je faisais vraiment percussion. Là. Ouais. J'avais un set énorme, comme à l'époque. J'avais un portique avec des lames de... Des tuyaux, des tubes, des machins, des timbales, j'avais de tout partout. Des sifflets, des impôts. C'était la grande époque, tu vois. J'ai rempli le break. Quoi. Là, on était au milieu des années 80, c'est ouais, ça ouais. Vous étiez déjà professionnel ou vous faisiez non, autre chose encore. À côté là, c'était moitié-moitié. Ouais, donc je m'en sortais avec les concerts tout au black. On faisait pas mal de concerts l'été, et puis après, avec ce groupe Black Market, on tournait quand même très régulièrement. Et à l'époque, on avait même il y avait plein d'endroits pour jouer à Bordeaux, il y avait plein de clubs. Et il y avait des clubs où on jouait, et on savait que tous les mois, on avait 3-4 jours là. Ouais. Ça existait encore à l'époque, ça. Et donc c'était bien, il y avait une belle dynamique. En parallèle, vous travailliez dans quoi? Ah bon, je faisais rien d'autre. Ah ouais, que la musique. Non. Que la musique. Ouais, plus jeune, je faisais pas mal de... J'ai accompagné pas mal de gamins en colonie de vacances, tout ça, j'en ai fait plusieurs. Et puis, après j'ai arrêté. Je faisais que la musique. Là, on revient un peu avec le jazz fusion, on disait jazz rock aussi, avec With the Report, Joseph Winul et Wayne Shorter. Groupe important aussi dans votre trajet très, musical. Très, très important. On avait tous envie de monter des groupes comme ça. Quoi. Ouais. Ça jouait, la musique. Moi, Joseph Winul, j'ai adoré. Ouais. Mais ça a été un musicien très important pour moi. Qui m'a donné envie d'écouter même du classique, qui m'a donné envie d'écouter plein de choses. Ouais. J'ai même fait un hommage quand il est mort là, l'année suivante. Bon, c'était pas une grande réussite, mais Disons que je m'étais dit, si un jour je dois monter un hommage à un musicien, c'est lui, donc bon, on y va. Et on a monté un... C'était pas une grande réussite parce qu'on a... je sais pas si j'avais choisi la bonne équipe pour le faire. Et on est resté très conventionnel, alors qu'il y avait moyen de faire autre chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Des fois, on ne fait pas que des merveilles. Mais ça reste un musicien important. Oh, c'est vrai que depuis 40 minutes qu'a commencé cette émission, on se dit que vous avez fonctionné comme ça par bon. Un disque vous permet d'ouvrir d'autres portes. Ouais, c'est vrai. Et puis un autre vous permet d'en ouvrir une autre. Mais disons que je pense que naturellement, je n'ai pas du tout envie de m'enfermer dans quelque chose, quoi. Et donc, voilà, post-image, c'est vrai, par exemple, j'ai fait deux disques avec eux, et puis j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour. Et vous êtes parti ailleurs. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie de jouer différemment sur les instruments, j'avais plus envie de cette musique, la fusion, j'en avais assez fait. De la même façon que vous avez fait un temps de la musique africaine jusqu'au moment où... Et la fusion, ça a duré 10-15 ans, et puis j'avais envie d'aller ailleurs. Et voilà, j'ai écouté d'autres choses, j'ai découvert des gens aussi, qui m'ont fait des musiciens, qui m'ont fait découvrir d'autres manières de pratiquer la musique. Et voilà, tout ça fait que j'ai eu envie d'aller voir ailleurs. La compagnie Vieux Seine, par exemple, vous les découvrez comment ? Donc là aussi, une formation bordelaise qui était, à la limite des musiques impro, des musiques du monde et du jazz. Et bien Christian, je le découvre parce que je pense que sur Bordeaux, je devais avoir un petit nom comme percussionniste. Et voilà, il m'a monté son groupe. Et le premier disque qu'on a enregistré avec lui, ça s'appelait Noche en Vela. Il voulait trois percussionnistes. Donc on était trois percussionnistes. Il y avait Jean-Luc Garot, Pierre Thibault et moi. Et c'est comme ça que j'ai joué avec Christian. J'ai fait un disque avec lui, j'ai joué, je sais pas, 2 ans. Et puis j'ai eu vraiment la sensation rapidement que là j'allais m'enfermer dans un truc. Ah ouais. Et là je suis parti. Là. Quand je disais en début d'émission que votre parcours est quand même marqué par un désir, une recherche de liberté permanente, c'est vrai qu'on y est en pleine dedans. On a l'impression de quelqu'un qui... Je dis pas que j'ai réussi tout et que j'ai fait que des trucs merveilleux, mais très loin de là, parce que j'ai fait des trucs horribles. Mais en tout cas, vous ne vouliez pas vous laisser enfermer. J'ai jamais aimé ça, même les gens... Il y a des musiciens, même sur scène, qui ont des comportements un peu autoritaires. Ça ne me plaît pas. Ça. Je fuis de suite. De suite. La danse des jeunes filles, extrait de Daphné et Chloé, morceau tiré d'une œuvre de Ravel. Vous disiez que Joseph Winul vous avait donné des envies de découvrir la musique classique. Oui, j'ai commencé à ouvrir un peu mes oreilles. Vous les aviez ouvertes il y a un petit moment. Oui, mais un peu plus sur l'harmonie, sur l'orchestration, les arrangements. J'ai toujours beaucoup aimé les arrangeurs, ça c'est vraiment c'est un métier que je trouve merveilleux parmi tous les métiers de la musique. Le métier d'arrangeur, j'ai pas les compétences pour en ça. Quoi mais... Pourquoi vous avez pas les compétences? Parce qu'il faut un bagage théorique, harmonique que je n'ai pas. Et puis c'est comme ça, on peut pas tout faire. Hein. Et dans la musique classique, mais surtout la musique française du XXe siècle, j'adore. Et puis Ravel en particulier, bon, là, j'adore tout le Ravel. Tout. C'est quoi qui, la corde sensible, là ? Je sais pas, la couleur, et puis alors, les arrangements, quoi. C'est, comment il fait sonner les trucs, là, c'est merveilleux. C'est unique, hein, c'est un génie de l'arrangement. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, j'étais dans la voiture, il y avait une émission à la radio sur le Boléro de Ravel. Il y a des timbres dans le Boléro de Ravel. J'ai découvert des trucs à cette émission. Il y a des trucs, je croyais que c'était des petits claviers qui jouaient. Et en fait, non. C'est qu'il arrive à faire sonner une flûte avec un hautbois et une... Je crois que c'est une harpe. Mm-hmm. Et en fait, il invente un autre instrument avec les trois, là. Et avec des sons. À re-écouter, hein, le Boléro de Ravel, il y a des timbres qui arrivent. Il invente des nouveaux timbres. Mmh. C'est des instruments. À partir d'associations inédites. C'est moi, j'adore. Ah. Et je suis allé voir une fois Daphnis et Chloé. Je me suis payé le billet une fois au Capitole pour aller écouter ça, quand même. Et alors ? Ah ben, bon, j'étais un peu déçu parce que j'avais pris des billets pas chers. Et du coup, j'étais sur le balcon derrière l'orchestre. Alors là, c'était horrible. Très déçu. Et à la pause, je suis allé devant. Ah ouais. Il y a des bourgeois qui s'en vont, tu sais, à la pause. J'ai dit, allez, je me fous. J'ai pris une place au deuxième rang. Et là, je me suis régalé. La bulería te mueve, su aire a ti te mueve, y a ti te mueve, su aire a ti te mueve. Si tú no tienes soniquete, pa' que te mete, pa' que te mete. Si tú no tienes soniquete, pa' que te mete, pa' que te mete. Ven. Paris, on vous a connu, donc, j'allais dire rocker, amateur de jazz fusion, jouant aussi dans des groupes de musique du monde. Et puis là, on va vous découvrir un accompagnateur d'artistes flamenco. Comment c'est arrivé ça, le flamenco ? C'est une musique que vous avez écoutée tout au long de votre vie, depuis l'enfance ? Non, pas du tout. C'est une musique qui est arrivée... un peu que j'ai découvert un peu en même temps que toutes les musiques fusion. L'intérêt qui est aussi dans toutes les musiques fusion, c'était que on allait chercher aussi dans les musiques du monde à chaque fois. Tu vois, et ça c'était intéressant. Donc j'étais à Bordeaux encore et j'avais un copain qui jouait en autodidacte du flamenco et c'était vachement bien, quoi, j'aimais ça. On a joué un petit peu, quoi, comme ça, un petit peu entre nous. Et après, quand je suis arrivé à Toulouse, par contre, là, j'ai vu qu'il y avait une culture ici. Et une vraie scène flamenca. Et waouh, moi, j'étais vraiment pas... Et donc, y a des gens comme Serge Lopez qui m'ont demandé de jouer avec eux. Et du coup, je me suis intéressé un peu plus parce que je voulais pas avoir l'air trop ridicule, quoi. Et voilà, c'est vrai que la scène toulousaine en flamenco est pas mal fournie. Et donc, je m'y suis intéressé plus. Ouais. Et puis, j'aimais ça. C'est une musique quand même... Oui, à Toulouse, vous avez joué avec Pradal, vous avez joué avec Benoît Mardon, donc Serge Lopez. Il y avait aussi cette espèce un, de... Un tout petit peu avec Kiko. Il m'a appelé. Mais c'est pareil, Kiko, il m'a appelé... C'était à un moment donné où j'avais plus du tout envie de faire ça. Vous étiez déjà passé à autre chose. J'étais passé à autre chose. Du flamenco, j'en ai fait pendant une grosse dizaine d'années. Et j'aimais ça, hein, c'était super. Et après, vraiment, encore une fois, c'était pas ma culture. Et c'était pas moi. Et moi, j'ai pas vraiment de culture. On n'écoutait pas de musique chez moi, donc j'ai toujours eu envie de me retrouver dans ce que je fais, quoi. Alors, tant que j'y trouve quelque chose, ça va. Mais si j'ai envie d'aller ailleurs, bon, il faut que j'aille voir ailleurs. Et là, au bout d'un moment, vous ne verrez plus faire de concert de flamenco. Parce que je suis passé à autre chose. Et en même temps, j'ai appris plein de choses. Et des gens super... des artistes fantastiques. Une culture qui est géniale. Et régulièrement, je me fais des... Ça m'arrive souvent de me faire... une soirée où je vais sur YouTube, je vais écouter Carmen Amaya, j'ai écouté El Potito, j'ai écouté des... Voilà, parce que ça me fait du bien, j'aime bien, j'adore ça. Mais moi, me projeter là-dedans maintenant, non, je suis passé à autre chose. Votre arrivée à Toulouse, vous disiez que c'est que vous êtes arrivé à Toulouse, vous avez découvert la scène flamenca. Votre arrivée à Toulouse, elle se passait... 96. Dans quelles conditions? C'était quoi le déménagement? C'est pourquoi venir à Toulouse? Oh ben, j'ai rencontré Marie-Pierre qui habitait à une petite heure de Toulouse et puis je suis venu m'installer chez elle. Voilà. Ouais. Donc dans le Gers, on va le dire comme ça. Voilà. Voilà. Et donc vous arrivez à Toulouse et vous découvrez cette scène. L'intégration a été facile? Très facile. Ouais. Très, vraiment, là, de ce côté-là. J'avais un pote, le trompettiste de Postimage, Freddy Buzon, qui avait vécu à Toulouse, qui connaissait plein, qui avait pas mal de potes musiciens à Toulouse. Moi, je ne connaissais personne. Et donc Freddy me dit... ouais, Laurent, t'es là-bas, il faut que t'ailles au mandala. Tu vas voir au mandala, tu vas voir Jeannot, c'est super, il y a des bœufs et tout. Bon, ok. Et donc, un soir, je prends ma paire de bongos, là, et je débarque au mandala. Il y avait après tous les concerts, il y avait une jam, à l'époque. Peu importe le concert, après le concert, c'était scène ouverte. Et donc je débarque avec mes bongos, et puis forcément la jam, moi je sors mes bongos, j'y vais, oh, super. Et Jeannot qui vient me voir, il me fait, ouais, t'es nouveau toi. Voilà, et je dis, ouais. Donc Jeannot Cartini, oui, voilà, bien sûr. Le fondateur du mandala, voilà, qui est devenu depuis le taquin. Un grand personnage de la ville quand même. Voilà, mort il y a une petite vingtaine d'années. Ouais. Et donc Jeannot, on est devenu potes ce soir-là, le premier soir. Après le concert... on a fait la fermeture ensemble. Il m'a amené on est allé à Arnaud Bernard, on est allé boire des coups, et puis c'était parti. Et il m'a dit, tu vois, j'ai te présenté à plein de musiciens. Ah. Et il a parlé de moi, je crois. Les premiers musiciens de Toulouse avec qui j'ai joué, c'est Jacques Sau. Ah oui, ouais, un chanteur. Ouais, Jacques Sau avec Jackie à la basse. Jackie Grandjean. Ouais. Lui aussi, il est disparu il y a quelques années. Et c'est vrai que ça vous rattache aussi, j'allais dire, un, à la scène flamenca, puisque Grandjean jouait avec Lopez, mais voilà. Aussi à la scène fusion, puisque Grandjean n'était pas loin de Kitty voilà. Clack. Oui, c'est vrai qu'il était déjà, lui, bien super bassiste, ouais. Hein, bassiste incroyable. Et à partir de là, vous avez joué... Voilà, j'ai fait joué avec des musiciens de Toulouse, et puis ça s'est fait petit à petit. Et là aussi, vous avez été très, très ouvert. Ça a été la chanson, il y a eu Marie Cigale, mais ça a été aussi les chants du monde avec Nadine Rosello, avec qui vous avez longtemps joué. Ah oui, pendant plus de 10 ans. Voilà, il y a eu la période flamenca. Enfin, c'est vrai que là aussi, vous avez été multistyle jusqu'à intégrer Freddy Morezon. Le collectif de musiciens, et peut-être là à vous lancer un peu plus dans les musiques improvisées. Mais ça s'est fait petit à petit, et c'est vrai que quand je suis arrivé en 96 dans la région, j'étais encore très branché fusion, musique du monde, et puis petit à petit j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses aussi, voilà, et de plus en plus à l'improvisation, à le pratiquer, à en faire de plus en plus, à essayer de rencontrer des gens qui font ça. Donc il y a eu Marc Mafiolo avec qui vous avez monté puis, Agafia. Après, avec Marco, on s'est rencontrés dans un orchestre qui s'était monté à musical, qui s'appelait le Grand Toz. Oui. Et avec puis, Pierre Desraux qui dirigeait ça. Voilà, Pierre Desraux qui... quand je suis arrivé dans la région, Pierre, il m'a pris sous son aile. Mais donc un autre batteur, pour le coup. On est devenu très très proche avec Pierre. Et... Je le remercie, Pierre, parce que dès qu'il montait un groupe, dès qu'il jouait dans un groupe, il m'appelait, il disait il faut que Laurent joue avec nous. Donc on était une espèce de duo, là, batterie-percu, et on a fait plein de trucs ensemble. Je me suis vraiment intéressé de plus en plus à l'improvisation. Puis ça prend du temps, et puis voilà, et puis j'ai eu envie de faire ça de plus en plus. Et puis un jour, j'ai proposé à Marco d'essayer qu'on travaille ça ensemble. Donc, Marc Marfiolo, un saxophoniste, en fait, avec qui vous avez monté ce duo à Gafia. Voilà, au début, on voulait se faire une espèce d'atelier, tous les deux, pour bosser ça. Et puis, c'est devenu rapidement un duo, avec lequel on a fait pas mal de dates, on a fait pas mal de choses. Et jusqu'à aussi accompagner d'autres artistes dans des contextes différents. Je me souviens le spectacle que vous aviez monté avec Eric Larenne. Oui, avec Eric, on se voit toujours. On avait fait plusieurs choses avec Eric. C'était Satan à Paris. C'était un texte superbe. Et puis, moi, je me suis beaucoup intéressé aussi à... J'ai toujours aimé ça, en fait. À partir du moment où j'ai découvert la lecture musicale, le texte et musique, ça, j'adore ça. Et j'en ai fait beaucoup. Ce sera tout à fait... Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Et pour finir cette liste, Laurent Paris, Brigitte Fontaine, comme à la radio, histoire de rappeler que effectivement la chanson, c'est aussi quelque chose que vous avez bien pratiqué. Oui. Rappeler que nous sommes effectivement à la radio. Un rappel aussi de l'Art Ensemble qui joue derrière Brigitte Fontaine sur ce morceau-là. La chanson, il y a eu Guillaume Barabang, il y a eu, je disais, Marie Sigal. Actuellement, il y a Mathias Hembert. Oui. Puisque vous êtes dans le quartet de Hembert avec Mathieu Verchowski au violon et Bruno Izarn à la guitare. C'est vrai que là aussi la chanson, c'est quelque chose qui vous a intéressé. Vous êtes allé voir un peu ce qui s'y passait. Oui, tout à fait. Avec des formes très classiques. J'aime bien le texte, en fait. Et avec des formes très classiques façon Marie Sigal, mais des choses un peu moins classiques comme le quartet d'Hembert. Voilà, Hembert, il m'a appelé, pour que j'intègre son groupe. Voilà, j'ai dit, écoute, on fait un essai, puis je te dirai ce que j'en pense. Donc, on s'est retrouvés, on a fait une répète, et puis j'ai trouvé que c'était un excellent bassiste, c'est un très bon bassiste. Il écrit des chansons, mais c'est aussi un très bon instrumentiste. Et donc, c'était super agréable de jouer avec lui. Et voilà, ça s'est fait, j'ai dit oui. Brigitte Fontaine, pour finir, c'est pourquoi ce... Ah ben, parce que Brigitte Fontaine, moi je suis un fan. Et là aussi, c'est le texte. Le texte de Brigitte, c'est une très grande poétesse. Et ce qu'elle a fait... les choix qu'elle a fait de musicaux pour accompagner ses textes, voilà, elle est allée là où il lui semblait le plus juste, quoi. Et là, quand elle a choisi de bosser avec l'Art Ensemble, il n'y a pas photo, quoi. C'est parfait. Et puis pour moi, ça représente ce morceau aussi tout un peu là où j'en suis ces dernières années, c'est-à-dire une ouverture totale de pratique. Donc je trouve que l'Art Ensemble, ça exprime bien ça. Cette liberté de jeu et en même temps de la rigueur. Voilà. Quoi. Ouais. Moi j'aime bien quand la musique est riche ou complexe, mais il faut pas que ça s'entende. Le propos, c'est pas du spectacle pour le spectacle, c'est il y a un contenu, il y a un propos, il y a quelque chose à défendre, il y a quelque chose, une implication. Et ça, ça me plaît, ça, j'ai besoin de ça. S'il n'y a pas ça, ça ne m'intéresse pas. Bon, écoutez, Laurent Paris, merci en tout cas d'avoir pris quelques petites minutes pour venir parler dans le poste avec nous. Je rappelle simplement que le 17 octobre, on pourra vous entendre du côté de l'université Jean Jaurès dans le cadre donc, de l'inauguration du premier GR randonnée universitaire et musicale organisé et monté par Freddy Moraison. Donc là, vous jouerez avec le duo qui vous occupe actuellement, celui que Betty vous formez Ouvette. Avec la pianiste Betty Ouvette. Et puis après, le 1er novembre au Taquin avec Bruno Izarn, en duo. Sur un ciné-concert. Sur un ciné-concert. Très bien. Eh bien. Écoutez, on va noter ça sur nos petits agendas. Merci en tout cas d'être passé à toi dans cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Thomas Delafosse pour la réalisation de cette émission. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans pas très longtemps sur ce nouvel horaire, le vendredi de 17 à 18 heures. Salut les filles. Pas peur. On sait ce que c'est que la radio.